et transmettre le message, c'est-à-dire en être les témoins. Raison pour laquelle, petite parenthèse, je ne traduis plus pour ce qui me concerne Darwa par prédication. En fait, dans notre esprit, si on traduit Darwa par prédication, dans l'esprit des chrétiens, dans l'esprit de tous les missionnaires, la prédication, c'est le prosélytisme. Or, nous savons très bien que nous n'avons pas le droit au prosélytisme. Nous sommes des témoins. Nous transmettons le message et à notre part, la transformer les cœurs. Nous sommes des témoins. Je traduis aujourd'hui Darwa par porter témoignage. Je porte témoignage là où je suis. Et cette Darwa, c'est ça. Comment porter témoignage? Je ne vais pas changer ton cœur, mais je peux atteindre ton esprit. Et je porte témoignage de ma présence positive et de ma contribution dynamique à cette société.